Merci d'être venu sur ce débat sur la situation au Venezuela et on va vous présenter non seulement la situation sur place, mais aussi qui est Asie Venezuela, ce qu'ils font. Et puis on aura plusieurs témoignages qui vont pouvoir parler de cette situation. Mais d'abord, on va donner la parole à Laurent Berger qui va introduire, qui va dire quelques mots de bienvenue. Malheureusement, il ne va pas pouvoir rester avec nous puisqu'il a, en ce moment, il y a quelques réunions avec le gouvernement sur les sujets sociaux, donc il va être obligé de nous quitter. Et puis après, on organisera la table ronde avec les différents intervenants. Donc merci en tout cas d'être venu et je passe la parole tout de suite à Laurent. Merci. Merci Mariano. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces murs. C'est un honneur pour moi, mais plus largement pour la CFDT, d'organiser dans nos locaux, sous une chaleur accablante, cette table ronde consacrée à la situation dramatique que connaît le Venezuela. Et c'est d'abord un honneur pour nous de rendre hommage à ceux qui se battent dans ce pays pour la démocratie et la justice, et qui intègrent nécessairement la justice, intègrent nécessairement la question de la justice sociale. Vous savez, c'est pas nouveau, la CFDT depuis longtemps soutient les syndicalistes de tout pays qui luttent pour l'émancipation des travailleurs, où qu'ils soient, quelle que soit la couleur politique, quelle que soit la couleur philosophique d'une certaine manière, ou la philosophie ou la couleur religieuse d'une certaine manière, de ceux qui veulent bâillonner leur peuple ou attaquer les droits des travailleurs. Vous connaissez les valeurs de la CFDT. Pour nous, le syndicalisme doit porter des valeurs de démocratie, de solidarité et d'émancipation. Et quand des hommes et des femmes courageux, forcément, se lèvent contre les pouvoirs autoritaires pour défendre la liberté, la démocratie, le droit à une vie digne, le devoir de ceux qui tiennent à ces valeurs, c'est-à-dire notre devoir à nous, syndicalistes français, c'est d'être à leur côté et de s'engager à leur côté. C'est ce que nous avons fait à la CFDT tout au long de notre histoire. Vous la connaissez, hier au Brésil ou en Pologne, plus récemment en Tunisie, aujourd'hui en Turquie ou en Iran, en Chine, et donc aussi au Venezuela. Et d'abord, je voudrais remercier Carlos Navarro, mon camarade et néanmoins président de l'Alliance syndicale indépendante du Venezuela, d'être venu jusqu'à Paris pour nous parler de l'action de son organisation, face aux énormes difficultés que connaissent les travailleurs, mais j'ai envie de dire que connaît le peuple vénézuélien. Je le remercie évidemment d'être présent, de retour de Genève et de la Conférence internationale du travail à laquelle il a participé. Mais je veux aussi lui témoigner mon admiration, parce qu'on l'oublie trop souvent, être syndicaliste dans ces pays, c'est parfois quand même un peu différent d'être syndicaliste dans nos pays. Avec Giuseppe, que je présenterai tout à l'heure, on le sait, parce que ça demande encore beaucoup plus d'abnégation et sans doute de courage, non pas qu'il n'en faille pas pour être syndicaliste ici, mais nous ne connaissons pas, évidemment, et heureusement, les mêmes difficultés. Et nous le savons tous, le combat dans lequel Carlos s'est engagé est un combat risqué et un combat qui demande du courage et un grand courage. Et donc, c'est avec un profond respect que je l'accueille aujourd'hui dans les murs de la CFDT. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà le deuxième intervenant de la table ronde, c'est Yvan Ricordo, membre de la commission exécutive confédérale en charge de l'international. Il s'est rendu à Caracas l'an passé avec Mariano et Didier pour une mission de la CFDT et il nous expliquera comment la CFDT et pourquoi finalement la CFDT travaille avec l'Asie Venezuela. Je veux également remercier Giuseppe Luliano, responsable international de l'organisation syndicale italienne CISL, d'être venu à Paris. La CFDT, c'est un vieux camarade de la CFDT. Giuseppe, on se connaît depuis longtemps les uns et les autres. La CFDT et la CISL travaillent souvent main dans la main à l'international pour défendre le syndicalisme indépendant et démocratique. Nous partageons, je crois que je peux le dire, Giuseppe, la totalité des valeurs qui nous animent. Nous étions par exemple parmi les rares organisations au début des années 80 à soutenir le combat d'un jeune syndicaliste brésilien nommé Luiz Inácio da Silva, plus connu sous le nom de Lula. Ça faisait des deux parties. Nous étions, la CFDT et la CISL, les premières organisations à soutenir la CUT. GUICP connaît très bien l'Amérique latine, j'ai envie de dire qu'il connaît très bien tous les pays en fait, du monde, tellement il voyage. Mais particulièrement l'Amérique latine, le syndicalisme international, et il nous apportera son regard sur la situation vénézuélienne. Geneviève n'est pas là. Et donc je remercie Andréna Mujica, il faut dire. Mujica, ouais. Moi je ne suis pas très doué avec les langues étrangères, je dois l'avouer. Mais en tout cas, c'est un profond... Une profonde satisfaction de que votre participation à cette table ronde. Adrena est vénézuélienne, installée en France, et elle est la fille d'un dirigeant politique vénézuélien décédé en 2002 et qui, dans les années 50, s'était battu contre la dictature dans son pays. Mais Adrena est aussi la sœur de l'ambassadeur du Venezuela en France, et elle a écrit cette lettre. Et je peux la laisser pour la photocopier, mais je la récupère. Cette lettre elle est déjà photocopiée, voilà. À son frère, paru dans le journal Libération fin mai. Je ne sais pas si vous l'avez lue, mais il faut la lire, tant elle est très très forte, très très belle, très émouvante. Et où, au nom de votre père et de votre père commun, évidemment, vous demandez à votre frère de s'engager pour la démocratie dans votre pays natal. Il se trouve d'ailleurs que dans une lettre beaucoup moins belle et beaucoup moins personnelle, d'une certaine manière, on avait aussi, la CFDT, j'avais aussi moi-même écrit à l'ambassadeur du Venezuela pour lui exprimer les préoccupations de la CFDT sur la situation des travailleurs vénézuéliens et demander d'urgence l'ouverture d'un canal humanitaire pour soulager leur souffrance. Ces deux courriers d'ailleurs, en tout cas le nôtre, est resté lettre morte, mais je crois que c'est à peu près le cas de votre courrier aussi. Nous lui demandions aussi, la CFDT, à cet ambassadeur d'intervenir pour faire respecter le droit à manifester, pour poursuivre les responsables des crimes qui avaient déjà, à ce moment-là du courrier, provoqué près de 40 morts, et on sait malheureusement que ce chiffre a augmenté, de libérer les personnes arrêtées et emprisonnées pour avoir manifesté leur opposition au gouvernement, et d'établir un véritable dialogue avec l'opposition pour trouver une issue à la crise actuelle au Venezuela. Donc je le disais, cette lettre est restée sans réponse, et plus important encore sans doute, la lettre ouverte d'Andréna aussi, elle nous expliquera, vous nous expliquerez vous-même ce qu'il en a été, et vous apporterez surtout le témoignage d'une citoyenne vénézuélienne établie à l'étranger, engagée en faveur de la démocratie dans son pays, et sans doute inquiète du devenir de ses compatriotes. Pour finir, je vous remercie, vous, évidemment, d'être présent, particulièrement aussi les journalistes intéressés par cette question, parce que je crois qu'il y a intérêt à braquer le zoom sur la situation au Venezuela, même si parfois ça fait l'objet de controverses dans notre propre pays sur la situation vénézuélienne. Et je crois que tous, on a à nous engager à notre niveau, et c'est vrai... pour la Confédération, mais aussi pour les fédérations qui sont présentes ici, à nous engager pour que chacun à notre place, on lutte pour la dignité humaine qui, si elle doit être présente évidemment en Europe et dans toutes les parties du monde, doit aussi être une réalité au Venezuela, ce que ça n'est pas aujourd'hui malheureusement. Et c'est aussi pour ça que nous organisons cette initiative qui se veut certes modeste, mais un signal fort qu'un syndicaliste européen, des syndicalistes européens ne peuvent pas se désintéresser de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurent. Et merci de nous avoir donné ce mot de bienvenue et surtout d'avoir montré par ta présence l'importance que la CFDT accorde à ce sujet, à la défense des droits des travailleurs à travers le monde en général et de la démocratie également. Donc on va maintenant passer à la phase table ronde. Donc, alors je ne sais pas, peut-être que la personne d'Amnesty International qui avait dit qu'elle viendrait, j'espère qu'elle va arriver. Mais on va déjà faire avec les personnes qui sont présentes. Donc je vais d'abord donner la parole à Carlos Navarro, donc président de l'Asie Venezuela. Et justement, donc en quelques minutes, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, qu'est-ce qu'il pourrait nous présenter rapidement ce que c'est que l'Asie Venezuela, qu'est-ce qu'ils font, et surtout expliquer par rapport à la situation actuelle du Venezuela, comment ils la voient et comment l'Asie Venezuela fait face à cette situation par rapport aux difficultés des travailleurs. Carlos, à toi la parole. Merci. En premier lieu, je veux remercier la militancia y las organizaciones afiliadas a la CFTT su solidaridad militante con nuestra central. En tout premier lieu, je veux remercier les organisations affiliées à la CFTT pour leur solidarité vis-à-vis de notre centrale syndicale. Y queremos hacerlo a través de Lorraine Berger, de nuestros compañeros que estuvieron en Venezuela, Iván, Mariano, Didier, y con nuestros nuevos amigos que estuvieron conmigo ahora en Bélgica, está Blandine y el compañero Philippe. Y tout particulièrement exprimer mes remerciements à Laurent Berger, à Yvan, Mariano, Didier et les amis qui étaient avec moi en Belgique, à savoir Blandine et Philippe. Nuestra central nace tal vez en el momento menos indicado. Notre centrale est née peut-être au moment le moins indiqué. No es tiempo para el sindicalismo en Venezuela. C'est pas le moment de mener des actions syndicales, c'est pas l'heure du syndicalisme au Venezuela. Y mucho menos para el sindicalismo democrático, autónomo e independiente. Et encore moins pour le syndicalisme démocratique, autonome et indépendant. Y un grupo muy importante de dirigentes asumieron el desafío de constituir una nueva central sindical en Venezuela. Cependant, un groupe très important de dirigeants ont relevé le défi de fonder une centrale syndicale au Venezuela. El 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre del 2015, nos constituimos. Donc le 30 novembre, 1er et 2 décembre 2015, ASSI s'est constitué. Y ante el Ministerio del Trabajo consignamos la personería sindical de la central. Et donc nous avons présenté notre requête de créer le syndicat devant le ministère du Travail. Se constituyó con 205 sindicatos, 4 federaciones nacionales, 4 sindicatos nacionales, 407 delegados que representamos 429.823 afiliados para el momento. Donc il y avait 205 syndicats, 4 fédérations nationales, 4 syndicats nationaux, 407 délégués qui représentons 429.823 affiliés. Hoy somos la segunda central más grande del país. Et aujourd'hui, nous sommes la seconde centrale syndicale la plus importante du Venezuela. Y 4 características que la definen y que de las cuales nos sentimos muy orgullosos. Et elle présente 4 caractéristiques qui la définissent et ces 4 caractéristiques nous rendent très fiers. Es la única central inclusiva, pluralista y unitaria. Tiene en su seno la expresión de todos los pensamientos sindicales del país, incluyendo gente que apoyaba al presidente Chávez. Donc en fait, c'est la seule centrale qui est inclusive, qui est pluraliste, qui est unitaire, et elle inclut absolument toutes les pensées syndicales du pays, y compris même celles qui existaient au moment du président Chávez. Dos. En su comité ejecutivo hay paridad de género por primera vez en la historia del movimiento sindical venezolano. El 48.5% sont mujeres. Donc au sein de son COMEX, il faut souligner que 48,5% des personnes qui le constituent sont des femmes. Et pour la première fois, on obtient de cette façon la parité. La leader de nuestra central, la secretaria general, también es una mujer. La secrétaire générale est également une femme. Y tenemos un promedio de edad del comité ejecutivo que para nuestro país es bajo, que está por debajo de los 45 años. Et la moyenne d'âge, en fait, des personnes qui sont au COMEX est d'environ 45 ans, ce qui est en fait un âge relativement jeune. De manera que estamos hablando de una central nueva, creativa, dynamique, bajo los ejes de la democracia, la libertad, la justicia y con una nueva visión del desarrollo social, político y económico del país. Donc c'est une centrale qui est récente, qui est créative, qui est dynamique, qui est démocratique, qui défend la liberté, la justice et aussi veut défendre toutes les politiques sociales et économiques du pays. Muy bien, ahora vamos a retratar brevemente una visión de lo que es la situación de los trabajadores en Venezuela. Et maintenant nous allons parler, je vais vous donner une vision de ce qu'est la situation actuelle des travailleurs et travailleuses au Venezuela. Para eso voy a utilizar cuatro variables. Je vais vous mentionner quatre variables. Social, variable social. La variable sociale. La variable empleo. La variable de l'emploi. Libertad sindical y derechos. Liberté syndicale et droit. Y un comentario final sobre la convocatoria a la constituyente. Et je vous parlerai finalement du projet d'assemblée constituante. Voy a dar unas cifras que son todas oficiales, no son especulativas. Les chiffres que je vais vous donner sont tous des chiffres officiels. Hablemos del salario de los trabajadores. Je vais vous parler du salaire des travailleurs. Hoy, tomando nota del aumento salarial del 1 de mayo del 2017. Aujourd'hui, si on tient compte de l'augmentation de salaire qui a eu lieu le 1er mai 2017, se necesitan 12 salarios mínimos para comer. Il est nécessaire d'avoir 12 salaires minimums pour pouvoir manger. Y las dos terceras partes de la población económicamente activa. Et 2/3 de la population qui est active. Gana menos de 3 salarios mínimos. Gagne moins de 3 salaires minimums. Segundo, es importante saber que si usted tiene de ingresos 2 salarios mínimos y 2 tickets de alimentación, que es un privilegio. Et il faut aussi souligner que si on a la chance d'avoir 2 salaires minimums et 2 tickets alimentaires, ça c'est déjà un privilège. Solo puede comprar comida para 16 días al mes. Cependant, avec cela, on ne peut acheter de la nourriture que pour 16 journées par mois. No puede comprar para el resto del mes, ni puede cubrir los gastos de transporte, alimentación, medicinas. Donc on ne peut pas manger les autres jours restants du mois, on ne peut pas non plus se payer les frais de transport et non plus acheter les médicaments dont on pourrait avoir besoin. Y el presidente aumentó el salario el 1 de mayo en 50%. Il faut quand même souligner que le président a augmenté les salaires le 1er mai de 50%. Y con ese aumento salarial solo se puede comprar 1 kilo de queso y 1 cartón de huevos. Cependant, avec cette augmentation de salaire, on ne peut acheter qu'un kilo de fromage et une boîte d'œufs. Hablemos ahora del poder adquisitivo de nuestro salario. Parlons maintenant du pouvoir d'achat de nos salaires. Voy a utilizar un ejemplo de países vecinos. Je vais donner l'exemple aussi pour pouvoir illustrer mon propos des pays voisins. Durante el año 2016, en 2016, la inflación en Venezuela, l'inflation au Venezuela fue superior al 500%. A dépassé 500%. Hoy, en este momento, et aujourd'hui, maintenant, à l'heure où je vous parle, tomando nota del precio oficial del dólar, si on se réfère à la valeur officielle du dollar, que se llama DICOM, c'est DICOM. Nuestro salario mínimo es de 29.55 dólares. Notre salaire minimum est de 29.55. Il est de 29,55 dólares. Comparemos ahora. Ecuador. Donc comparons maintenant avec l'Équateur. Durante el 2016. En 2016. Inflation. L'inflation. 1.12. 1,12%. Salario mínimo. 366 dólares. Salaire minimum, 366 dollars. Bolivia. Inflation. 2016, 3.2%. La Bolivie, son inflation, 3,2%. Salario mínimo, 280 dollars. Salaire minimum, 260 dollars. 280 ahora. Et aujourd'hui, ils valent 280. Uno más. Por ejemplo, Colombia. La Colombie. 5.8% d'inflation. 5,8% d'inflation. Ingreso mínimo, salario mínimo, 250 dólares. Salaire minimum, 250 dollars. Vayamos al extremo, un país muy deprimido. Un pays qui, est, qui a l'habitude d'être très défavorisé. Haïti. Haïti. Inflation, 14.1%. Inflation 14,1%. Salario mínimo 135 dólares. Salaire minimum 135 dollars. Venezuela. Le Venezuela maintenant. Inflación más del 500%. Inflation plus de 500%. Salario mínimo hoy menos de 30 dólares. Salaire minimum aujourd'hui moins de 30 dollars. A pesar de que ha existido durante el gobierno del presidente, desde el gobierno del presidente Chávez hasta ahora, 37 aumentos salariales. Bien que depuis le premier mandat de Chávez jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 37 augmentations de salaire en tout jusqu'à aujourd'hui. Durante el mandato de Maduro, el actual presidente. Et pendant le mandat du président actuel Nicolás Maduro. 14 aumentos salariales. Il y a eu 14 augmentations de salaire. Cualquiera en Europa puede pensar que con estos aumentos salariales te puedes comprar un carro. N'importe qui en Europe pourrait penser qu'avec autant d'augmentation de salaire, on aurait un pouvoir d'achat qui nous permettrait d'acheter une voiture. En mi país alcanza para un kilo de queso y un cartón de huevos. Mais dans mon pays, ça ne sert qu'à acheter un kilo de fromage et une boîte d'œufs. Hablemos ahora del empleo. Parlons de l'emploi maintenant. Nuestra segunda variable. C'est la seconde variable. Rapidamente. Pour être bref. El sector informal creció por encima del 50% de la población económicamente activa. L'économie souterraine a augmenté de plus de 50%. Hoy somos el país en América Latina con mayor crecimiento del sector informal. Aujourd'hui, le Venezuela est le pays d'Amérique latine qui connaît la plus forte augmentation de l'économie souterraine. Subcontratación, tercerización. Avec de la sous-traitance. Y somos el país en América Latina con mayor tercerización en el sector público. Et nous sommes le pays d'Amérique latine qui sous-traite le plus dans le secteur public. Tercera variable, la variable sindical. La troisième variable dont je vais vous parler, c'est la variable syndicale. Libertad sindical, derecho a contratación colectiva y huelga. La liberté syndicale, le droit de grève et il y a le derecho al segundo. Huelga. Contratación colectiva. Oui, et la Ah oui, le droit de grève, huelga. Le droit de grève. Hoy la acción sindical está criminalizada. Aujourd'hui, l'action syndicale est considérée comme étant un crime. Hay siete leyes que criminalizan la actividad sindical. Il y a sept lois qui criminalisent l'action syndicale. Ley orgánica de seguridad y de la nación. La loi organique de la sécurité de la nation. La ley para la defensa de las personas en acceso a los bienes. La loi pour la défense des personnes dans l'accès aux biens. La ley orgánica de las fuerzas armadas. La loi organique des forces armées. La ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. La loi contre la délinquance organisée, le financement du terrorisme. Son siete. En fait, ça en fait sept lois. Estas leyes te prohíben la actividad sindical. Ces lois interdisent toute activité syndicale. Hay compañeros que han estado detenidos por ejercer su derecho a defender a los trabajadores. Des personnes sont en prison parce qu'elles ont tout simplement exercé leur droit à défendre les travailleurs. No hay derecho a huelga. le droit de grève n'est pas autorisé. Y no te reconocen si no eres un sindicalismo subordinado a los objetivos del régimen. Et si on n'est pas un syndicat qui observe les mandats ou les ce que souhaite le gouvernement, on n'est pas reconnu. Hubo un país donde la ley era la fuerza. Il y a un pays où la loi équivalait à la force. Ahora tenemos un país donde la fuerza es la ley. Mais maintenant, ce qui fait office de force, c'est la loi. Cuarta y última variable. Et quatrième et dernière variable. La convocatoria a la constituyente. Donc la convocation de l'Assemblée constituante. Nosotros, la central fue invitada para participar en la convocatoria. La centrale, notre centrale a été invitée pour participer à cette convocation d'assemblée. No aceptamos y entregamos un documento explicando por qué. Mais nous avons refusé et nous avons remis un document en expliquant nos raisons. Pero lo más importante y que quiero que sepan. Mais ce qui compte le plus c'est que je souhaite vous partager. Es que esta convocatoria es inconstitucional. C'est que ce fait est inconstitutionnel. Niega el derecho universal al voto. Il nie le droit universel de voter. Y viola artículos muy importantes de la Constitución como. Et il viole des articles extrêmement importants de la Constitution comme. El artículo 347 dice. L'article 347 dit. La, le corresponde de manera exclusiva. Este amarillo aquí corresponde de manera exclusiva al pueblo venezolano. Le peuple vénézuélien a la légitimité de façon exclusive. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. De pouvoir être présent lors de cette Assemblée Nationale Constituante. A través de un referéndum consultivo. Par le biais d'un référendum consultatif, pardon. Mediante el voto universal, directo y secreto. Par le biais du vote universel direct et à bulletin secret. Y en la misma oportunidad debe aprobar las bases comiciales. Et il doit aussi, à cette occasion, approuver les bases du scrutin. Ahora no es así como pretende el gobierno. Mais le gouvernement n'entend pas les choses de cette façon-là. Hay diputados por sectores. Parce qu'il y a des députés por ejemplo, par secteur. Por ejemplo, las comunas. Par exemple, les communes. Las comunas eligen un número de diputados a la constituyente. Les communes choisissent un nombre déterminé de députés. Las misiones, ya llaman misiones en mi país. On appelle ce que je vais énoncer des missions. También eligen un número determinado les de constituyentes. Aussi choisissent un certain nombre de constituants. El listado de electores. Et la liste d'électeurs. Que va a votar a favor o en contra de la constituyente. Qui vont voter pour ou contre cette assemblée. Lo elabora los ministros del ministerio público. C'est le ministère public qui établit cette liste. En el caso de las comunas, el listado de electores lo define el Ministerio de las Comunas. C'est le ministère de las comunas. Des communes qui détermine la liste des personnes qui vont voter. En el caso de las misiones, la lista la entrega el partido oficial, el PSUV. Et dans le cas des missions, en fait, c'est le parti officiel, le PSUV, qui remet la liste. Por ejemplo, y termino. Et pour en finir, por los pueblos indígenas se eligen 8. Pour les peuples indigènes, 8 personnes sont choisies. Y el listado lo entrega. Et la liste est remise. El ministerio que tiene que ver con los indígenas. Par le ministère qui est en lien avec les indigènes. Termino, dos ideas finales. Et je souhaite encore partager deux autres idées pour terminer. En Venezuela, la situación es sumamente grave. Au Venezuela, la situation est extrêmement grave. Y me refiero por la convocatoria a la constituyente y por lo que está sucediendo en materia de derechos humanos y libertades democráticas. Je veux parler de ce que je viens d'énoncer et aussi la situation des droits de l'homme et de la démocratie. Hablamos, de l'état de la démocratie au Venezuela. Hablamos de más de 70 asesinados en dos meses. Il y a eu 70 assassinats en un laps de deux mois. Más de 3000 heridos. plus de 3000 blessés. Más de 1000 personas detenidas. Plus de 1000 personnes arrêtées. Violencia masiva y creciente en todo el país. Une violence massive et croissante dans tout le pays. Y no hay más tiempo. Mais on n'a plus de temps. La constituyente está convocada para el 30 de julio. L'assemblée constituante est prévue pour le 30 juillet. Nosotros estamos aquí. 30 de julio, ¿verdad? Julio, sí. Oui, 30 juillet. Nosotros estamos aquí. Et nous sommes ici. Porque la voz de los pueblos, de los gobiernos y de la comunidad europea. Parce que la voix des peuples, des gouvernements et de la communauté européenne. Debe llegar a Miraflores y al presidente Maduro. Doit absolument parvenir à Miraflores et aux oreilles du président Maduro. Hay que suspender la constituyente. Il faut absolument que l'Assemblée constituante soit arrêtée. No hablamos de intervención. Il n'est pas question d'intervention. No hablamos de invasión. Il n'est pas question d'invasion. Es la humanidad apelando. C'est vraiment un appel a los valores humanos. Un appel à l'humanité, un appel y democráticos en Venezuela. Un appel aux valeurs humaines et démocratiques au Venezuela. Para detener. Pour arrêter. La violencia. Pour arrêter la violence. La represión. La represión. Imponer de nuevo la supremacía de la Constitución. Et imposer à nouveau la suprématie de la Constitution. Y regresar los derechos humanos y democráticos al país. Et rendre les droits humains et démocratiques au Venezuela. Es imperativo suspender la constituyente. Et pour cela, il est impératif de suspendre l'Assemblée constituante. Y convocar a elecciones generales en et el país. Il faut absolument que des organisations générales soient organisées au Venezuela. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlos, de ce témoignage. Alors, nous allons accueillir maintenant Geneviève Garrigós d'Amnesty International, qui est responsable d'Amérique latine à Amnesty International et qui va rejoindre la table ronde. Merci, Geneviève. Et avant de te passer la parole, on va quand même, comme prévu dans le déroulement de la table ronde, demander à Yvan Ricordo, donc responsable international à la CFDT, d'expliquer pourquoi la CFDT s'est engagée auprès d'Asie Venezuela et ce qu'on compte faire pour soutenir cette organisation et les salariés vénézuéliens. Yvan, à toi la parole. Merci. Merci Mariano. Tout d'abord, Carlos, c'est un plaisir de t'accueillir à Paris aujourd'hui. C'est un honneur aussi. Et je pense que cela traduit très simplement comment la CFDT met beaucoup d'importance à notre coopération. Je pense que c'est très cohérent par rapport aux échanges que nous avons eus au Venezuela. Et on est dans une forme de continuation qu'on veut encore plus forte à l'avenir. En tout cas, merci d'être avec nous. Laurent l'a rappelé tout à l'heure en introduction. La CFDT agit de longue date à l'international, notamment en soutenant ceux qui agissent en faveur d'un syndicalisme indépendant et démocratique, fondé sur des valeurs de justice et de solidarité, proche des travailleurs et qui oriente son action vers l'obtention de résultats concrets. Un syndicalisme qui ne se contente pas de dénoncer, mais qui élabore des propositions, qui négocie, qui conclut des accords. C'est une orientation fondamentale de la CFDT et c'est important aussi de dire aujourd'hui à notre camarade vénézuélien que cette expression-là, quand on l'incarne dans des débats avec des militants CFDT dans la période, quand on l'incarne avec un échange comme celui qu'on a aujourd'hui, ça résonne particulièrement bien à l'oreille des militants et des adhérents CFDT. On le fait, ce n'est pas uniquement par devoir de solidarité, même si c'est présent dans notre engagement, mais c'est aussi parce qu'en renforçant le syndicalisme indépendant à travers le monde, on renforce le pouvoir des travailleurs en général. On est alors mieux en mesure de peser sur une régulation de la mondialisation, qui favorise à la fois un meilleur fonctionnement de l'économie et davantage de cohésion sociale. On y a, de ce point de vue-là, tous intérêt. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de créer des CFDT partout dans le monde, mais plutôt de s'appuyer sur des dynamiques sociales qui existent pour promouvoir les valeurs qu'on défend et que je viens d'énoncer. Laurent le disait tout à l'heure, on l'a fait au début des années 80, c'est marquant pour notre organisation, ça l'a toujours été. On l'a fait en soutenant la côte du Brésil et Solidarnosc en Pologne. Et notre coopération aujourd'hui trouve les mêmes racines dans nos engagements. Et aujourd'hui, ces organisations sont devenues pleinement autonomes. et jouent leur rôle dans leurs pays respectifs et à l'international. Et il arrive même qu'aujourd'hui, c'est peut-être une bonne chose, qu'on ait des divergences, la CFDT avec la CUT au Solidarnosc, des divergences avec elle, mais on a conservé en même temps une amitié qui s'est forgée au long des années de coopération et de lutte parfois difficile pour construire ce syndicalisme. Alors la CFDT, comme l'Asie Venezuela, comme la CISL, est affiliée à la Confédération syndicale internationale, la CSI. C'est dans ce cadre qu'on a rencontré Carlos Navarro, il y a quelques années, alors que la CI n'était pas encore constituée comme une organisation syndicale, mais s'organisait comme mouvement. D'ailleurs, c'est un peu une prouesse pour un responsable syndical d'être reconnu au niveau international presque avant la fondation de son organisation dans le pays, ce qui montre l'engagement dès le départ. Nous sommes intéressés à leur démarche, car elle s'affirmait comme une alternative face au syndicalisme bolivarien officiel, soutenu par le régime et qui n'est qu'une courroie de transmission du pouvoir, mais aussi face aux organisations syndicales traditionnelles vénézuéliennes, souvent embourbées dans des jeux politiciens et coupées des travailleurs. Alors, tout à l'heure, ça a été rappelé par Carlos, une délégation CFDT a participé début décembre 2015 au congrès constitutif de l'Asie, quand elle a franchi le pas de rassembler tous les syndicats locaux qui s'y retrouvaient pour former une nouvelle centrale à part entière. C'était juste avant les élections législatives qui allaient infliger une défaite cinglante au parti du président Maduro. Chose très rare, faut aussi l'avouer, en Amérique latine, surtout en pleine campagne électorale, les débats du Congrès constitutif de l'Asie n'ont évoqué ces élections que comme un élément du contexte. L'Asie ne prenant pas position pour tel ou tel candidat à ce moment-là. Le Congrès s'est au contraire focalisé sur la charte des valeurs de l'organisation, sur les orientations purement syndicales, sur la manière de s'organiser, sur les enjeux d'une plus forte syndicalisation. Et on a découvert en fin d'année 2015, à ce moment-là, une équipe jeune, dynamique, tu l'as dit Carlos tout à l'heure, avec une proportion de femmes dans les dirigeants inégalée en Amérique latine, des délégués engagés qui portaient les préoccupations des travailleurs et ne s'emballaient pas dans des débats idéologiques. Oui, je vous assure, quand on fait cette description, on parle bien d'un pays d'Amérique latine et d'un syndicat d'Amérique latine. On y a même débattu, ça nous a marqué, ça a marqué Mariano qui était présent, des discriminations contre la population LGBT et comment les combattre. Ce qu'il faut bien l'admettre là aussi, c'est encore très rare dans le syndicalisme latino-américain. La CFDT ne pouvait donc que soutenir cet espoir qui se levait pour les travailleurs vénézuéliens. Dès 2016, nous leur apportions une petite aide d'urgence et en octobre 2016, nous avons organisé une mission sur place pour approfondir notre connaissance mutuelle et tracer des pistes de coopération. Notre aide va servir à former des militants et à améliorer les outils de communication. Et je vous suggère d'aller voir sur le site cfdt.fr l'article qui s'intitule « La diète Maduro » qui rend compte de cette mission. Malheureusement, tout au long de l'année 2016 et plus encore en 2017, surtout depuis le mois d'avril, la situation n'a cessé de se dégrader. L'incapacité du pouvoir d'admettre son échec économique et sa défaite électorale, les manœuvres incessantes pour empêcher le fonctionnement du Parlement, dominé aux deux tiers par l'opposition, le report des élections des gouverneurs, le sabotage de toute tentative de médiation n'ont cessé d'aggraver la crise politique, ce qui, corruption et marché noir aidant, aggrave la crise économique et humanitaire. Et tout à l'heure, dans la description de la réalité du Venezuela, Carlos, tu l'as particulièrement et malheureusement exprimé. J'ai tendance à dire que c'est une image, une description qui est encore plus dure que celle que nous avions vécue quand on était allé en 2016. La CFDT devait participer ensuite à un rassemblement le 1er mai dernier dans une ville vénézuélienne pour y manifester notre soutien et au passage faire le point sur notre coopération. Mais nos amis de l'Asie nous expliquant qu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer notre sécurité et nous ont donc déconseillé d'y participer. Nous avons renoncé à ce déplacement. C'est vrai que c'était assez risqué en termes de perspective. C'est d'ailleurs dans la ville où nous devions nous rendre qu'une jeune militante de 28 ans de l'Asie a été lâchement assassinée par la milice bolivarienne d'une balle dans la tête. Le Venezuela est dans un gouffre et on se demande si celui-ci a un fond. Personne ne voit comment il va s'en sortir, mais les militants de l'ASI continuent leur combat courageux pour soutenir les travailleurs, pour organiser la société civile et chercher le chemin d'un retour à la démocratie. La CFDT est à leur côté, continuera à faire tout ce qui est à sa portée pour les aider de différentes manières. Cette table ronde, aujourd'hui, veut informer et élargir le cercle de la solidarité avec le courageux peuple vénézuélien. Tous ceux qui veulent contribuer à aider le Venezuela à retrouver la paix et la démocratie sont les bienvenus. Merci beaucoup, Yvan. On va... Carlos applaudit, c'est très bien. Merci beaucoup, Carlos. Donc, on va donner la parole au troisième syndicaliste de cette table ronde, Giuseppe Giuliano. On va lui trouver un micro, voilà. Donc, Giuseppe, on a expliqué qui était l'ASI, la situation au Venezuela, ce qu'en tant que CFDT, on essaye de faire pour soutenir. D'un point de vue d'un syndicaliste italien très impliqué dans le syndicalisme international, comment vois-tu la situation? Comment élargir cette solidarité? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre au niveau du syndicalisme international pour venir en aide à l'Asie-Venezuela et aux Vénézuéliens en général? Est-ce que tu peux nous faire un petit tour rapide de ces sujets tout de suite? Merci beaucoup. Si, merci Mariano. Pour moi, c'est un honneur d'être ici. Je viens d'Italie, je représente une des confédérations syndicales italiennes. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Laurent Berger, l'amitié, la proximité de la CISL et la CFDT, c'est dans l'histoire du mouvement syndical international. Dès qu'il y a eu, au niveau international, un syndicat autonome, indépendant, démocrate, là, il y avait la CISL et la CFDT. Rappeler bien l'histoire de la constitution de la CUT en Brésil, mais la CISL et la CFDT ont été ensemble quand il y avait Solidarność, la CISL et la CFDT ont été toujours ensemble quand il y a quelques petites possibilités de démocratie, d'ouverture, d'autonomie à Cuba. Évidemment, on regarde la Chine, évidemment, on regarde aujourd'hui Venezuela. Vous avez écouté la situation, qui est une situation terrible. 65 morts dans les derniers deux mois. Et une situation qui a eu une chute incroyable dans les dernières 2-3 années. Et je peux vous dire simplement un mot sur l'analyse. Pourquoi ça s'est passé? Vous savez bien, dans la littérature, dans la presse internationale, on a toujours approché des expériences syndicales de l'Amérique latine. On parlait toujours du Brésil, de Lula, on parlait de Chavez comme des leaders qui avaient représenté l'intérêt des plus pauvres, des travailleurs, tout ça. Et on a plusieurs fois approché les deux expériences en disant qu'il y avait eu une grande redistribution de la richesse, parce qu'il y avait des pays très riches avec des initiatives de redistribution. Alors, permettez-moi simplement de dire encore une fois de notre observatoire. On avait d'un côté un militaire et de l'autre côté un ouvrier qui est des pays. Et ça, ce n'est pas une petite chose. Deuxième chose, on a fait véritablement de redistribution de richesses. Aussi en Venezuela, à un moment donné, on avait un pays qui a été très riche pour le pétrole et on a fait une distribution de la richesse, mais sans aucune réforme structurelle de l'économie. De l'autre côté, en Brésil, on avait un président qui a fait beaucoup de distribution de richesse, les programmes Fame Zero, Bolsa Familia, etc., mais à la fois, on soutient à l'entreprise nationale la capacité d'augmenter la demande interne qui a permis un circuit virtueux de développement économique, et en plus, pendant les 10 années de présidence de Lula, une augmentation de 90%, 90%, on est en France, 90% de la contractation collective qui a permis une redistribution. Ça veut dire une attention au travail syndical. À la fois, en Venezuela, on a fragmenté, on a détruit, on n'a plus reconnu le mouvement syndical. L'expérience que Carlos Navarro est en train de faire de reconstruire peu à peu de ce qui était la fragmentation totale des organisations syndicales, même des organisations syndicales qui se sont créées à côté de l'expérience du gouvernement de Chavez et après de Maduro, qui se sont détruites. On reprend l'importance d'une organisation qui puisse reconstruire un système de dialogue social dans les pays, représenter les travailleurs. Parce que si on n'a pas de dialogue social, aucune possibilité de recommencer la vie démocratique de Venezuela peut donner, peut sortir un bon résultat. Ça, c'est une analyse très claire et toute la communauté internationale se rend parfaitement compte de ça. Mais les débats sur les journaux, c'est simplement sur la question politique. Qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas de la situation des travailleurs, la situation syndicale. Et c'est pour ça que je crois que ça, c'est un témoignage très, très important d'avoir Carlos Navarro parmi nous, aujourd'hui en Europe. C'est pour ça que je suis venu exprès de Rome pour faire ça. Et alors, encore une démonstration de la situation. Le Venezuela est un pays présidentialiste. Donc, qui ment vraiment, qui gouverne le pays, c'est le président. À la fois, aujourd'hui, on a une assemblée parlementaire qui finalement a enregistré le consensus de la population qui était absolument contre le président. Mais on a cette contradiction. Le pays est présidentialiste, la Constitution donne le pouvoir au président. C'est un peu quelque chose qu'on a déjà vécu, vous vous rappellerez sûrement, au Chili, après le référendum contre Pinochet. La Constitution donnait la possibilité au président Pinochet encore d'avoir une série de pouvoirs, c'est-à-dire être le chef de l'armée. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le chef de l'armée dans les pays. Et encore une série de prérogatives constitutionnelles qui donc on a dû attendre jusqu'à la fin même de la vie de Pinochet pour en sortir d'une façon constitutionnelle. C'est un peu le gap constitutionnel qu'on vit aujourd'hui en Venezuela. Carlos nous a expliqué exactement quelles sont les contradictions. Le président veut maintenant essayer de convoquer une assemblée constitutionnelle encore. Évidemment, il cherche de revertir la situation, de reprendre l'équilibre qui aujourd'hui, d'une façon de la plus grande assemblée démocratique, que c'est le Parlement, dit exactement on veut changer en Venezuela. Et ça, on ne peut pas le faire avec cette situation. Il y a alors, pour en sortir de cette situation, la mobilisation populaire. Mais la mobilisation populaire signifie 65 assassinés. On ne peut pas vraiment supporter, on ne peut pas accepter une situation comme ça. Et alors maintenant, il y a une mobilisation très forte, une initiative diplomatique au niveau mondial. Ça veut dire, avant tout, c'est l'Organisation des États d'Amérique qui est en train d'essayer de trouver une solution politique entre le président et le Parlement. C'est simple maintenant. Et il y a les grandes autorités mondiales sur la solidarité et la paix, que c'est l'Église catholique, qui est en train de jouer un rôle. Le même Papa Francesco est en train d'essayer d'offrir. Mais les conditions qu'on pose sont toujours les mêmes conditions. Ça veut dire on demande la libération des prisonniers politiques. On demande la reconnaissance, évidemment, des résultats électoraux. Hier nuit, on a eu finalement, à côté de toutes les initiatives, une prononciation très forte du chef de gouvernement d'Italie et le chef de gouvernement d'Espagne, qui se sont rencontrés expressément et l'ont donné, fait un communiqué qui, dans cette heure-là, il est dans tous les médias internationale. Pourquoi l'Italie et l'Espagne ont décidé de prendre ce type d'initiative? Parce que vous savez bien qu'au Venezuela, la communauté italienne et la communauté espagnole d'origine sont les plus grandes. Et donc, on ne peut pas dire vraiment ça, c'est une intervention de l'étranger, on ne peut pas accepter. Non, c'est une position qu'on peut aussi faire pour défendre les citoyens d'origine italienne, les situations d'origine espagnole. C'est une initiative donc diplomatique très forte et qui demande explicitement au président Maduro de quitter les propos de convoquer l'Assemblée constitutionnelle. C'est ça, avec une série de conditions. On verra quel peut être l'impact vis-à-vis de cette initiative. Mais c'est une initiative diplomatique très forte. Quand on a convoqué cette journée, on ne savait pas. On était toujours en train de compter tous les jours combien de morts encore il y avait dans les manifestations. On était avec cette impossibilité de trouver une solution. Et alors il faut multiplier les initiatives diplomatiques au niveau international. Mais tout d'abord, il faudrait, et là, aujourd'hui, on est dans une plateforme syndicale, essayer de trouver quel type de coopération, quel type d'appui, de solidarité, encore une fois, on peut mener dans la situation. Vous savez, ce n'est pas le cas en France, mais en Italie, en Espagne, dans des autres pays, en Europe, on a aussi beaucoup de citoyens vénézuéliens qui sont rentrés pour la crise terrible dans leur pays. Dans les dernières 2 années, ils ont vu que la suspension du paiement des pensions, ça c'est un cas qui n'est pas pour très peu de gens. On parle de plus de 10 000, 12 000 personnes à ce moment qui sont sans aucun revenu parce que le gouvernement vénézuélien a bloqué ça. Nous avons soulevé la question en Italie, on l'a soulevé en Espagne, et finalement, on a assisté à cette première forte réaction, la première forte initiative politique des deux pays. Et c'est évident, les citoyennes italo-vénézuéliennes ont demandé avant tout à la CISL, chez nous en Italie, ils sont venus chez nos syndicats parce qu'ils connaissaient l'engagement qu'on a eu dès le premier moment sur la situation de Venezuela. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais il faut se rappeler que dès le début de l'expérience du président Chavez, il a commencé son expérience avec un référendum avec lequel il demandait à la population vénézuélienne de s'exprimer sur la fin de l'organisation syndicale. Vous savez que les seules personnes qui ont le droit d'élire les dirigeants d'un syndicat sont les travailleurs affiliés. Non, il a convoqué un référendum au niveau national, ça veut dire que toutes les catégories doivent s'exprimer pour éliminer d'un côté une de l'expression de l'opposition. C'était 2000. Et à ce moment, on était en Venezuela avec une mission de l'Organisation internationale du travail parce qu'il y avait quelque chose qui était contre les mêmes conventions internationales de l'Organisation internationale du travail qui sont ratifiées par le Venezuela. Et donc, c'était une mission technique qui essayait d'expliquer, de parler avec le gouvernement qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'était la seule manière pour défendre encore la possibilité d'avoir un système de dialogue social, un système de représentation des intérêts des travailleurs. Mais il avait convoqué le référendum. Et pendant qu'on était dans le pays, à ce moment, un parlementaire qui s'appelait Nicolas Maduro a demandé au Parlement la prononciation de la sanction de persona non grata. C'est pas en français comme on dit. Égal. Ça veut dire que c'était un pas avant l'expulsion du pays. Ça, c'était la position du gouvernement vénézuélien, de Chavez et après de Maduro, vis-à-vis de toutes les organisations syndicales internationales. Donc, vous savez, à partir de ce moment-là, on a pu simplement accompagner de l'étranger, de l'extérieur, le travail qui, avec courage, avec un témoignage impressionnant, ils sont en train de faire nos camarades en Venezuela. Dénoncer ça au niveau public, travailler d'une manière conjointe. Bon, aujourd'hui, c'est la CISL et la CFDT, mais on va à souligner l'importance de plusieurs prononciations de la Confédération européenne des syndicats, et on va demander aussi la Confédération internationale des syndicats. Demain même, moi, je rencontrerai la secrétaire générale de la Confédération internationale des syndicats pour demander encore une intervention plus forte du comité exécutif, de l'organe dirigeant du syndicalisme mondial, pour se prononcer, pour appuyer la lutte que, en ce moment-là, Carlos Navarro, qui est le seul dirigeant qu'on peut aujourd'hui heureusement rencontrer. Mais savez, il faut le dire, Mariano, et après je vais m'arrêter parce que comme italien, je parle trop. Mais Carlos, il vient de Genève, vous savez, tous les années, les mois de juin, on a la conférence internationale de l'Organisation internationale du travail. C'est la conférence où il y a la présence des gouvernements, des syndicats, des employés qui travaillent sur les conventions, sur les lois du travail au niveau mondial. Qui était le représentant de travailler de Venezuela? Une centrale officialiste, pratiquement un membre du gouvernement. Donc, ça fait quand même 17 années plus qu'on n'a plus une représentation du mouvement syndical dans la conférence internationale du travail à Genève. Là, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Et ça, on le dit aujourd'hui parce qu'on a la presse, on est en train de le faire là où il y a un peu d'attention. Il faut desperter l'attention vis-à-vis de la situation Venezuela. C'est pour ça que je remercie beaucoup la CFDT et on est à disposition s'il y a des questions spécifiques sur le travail qu'on est en train de faire. Merci de votre patience et de votre attention. Merci beaucoup Giuseppe pour ces témoignages et pour ces suggestions. Effectivement, le Venezuela a été évoqué à la conférence de l'OIT. On aurait aimé, nous, en tant que CFDT, en tout cas, une meilleure défense de la CSI, un peu plus d'engagement de la CSI pour soutenir le syndicalisme vénézuélien indépendant. Mais bon, on a fait ce qui a pu être fait. Et on espère que c'est de toute façon une des voies pour essayer de peser sur la situation. Alors bon, on a beaucoup parlé de syndicalisme depuis le début de cette table ronde. Les droits syndicaux sont hélas pas les seuls. Les droits des travailleurs sont hélas pas les seuls à être bafoués au Venezuela. Les droits de l'homme en général sont bafoués. Et Amnesty International est en la pointe dans ce domaine. On travaille avec Amnesty International depuis très longtemps, là aussi, sur ces sujets-là. Et donc, Geneviève, si vous pouvez nous dire un petit mot sur comment vous voyez la situation vénézuélienne, ce qui peut être fait, quelles sont les violations des droits de l'homme qui s'y produisent et comment on pourrait s'organiser pour lutter contre. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation et aussi un grand merci pour organiser cette réunion, parce que c'est vrai que quand on parle du Venezuela, dans ce pays, on se sent très très seul. Et je suis particulièrement heureuse d'être avec des syndicalistes, parce que quand on dénonce ce qui s'y passe, souvent on nous oppose que finalement, nous défenseurs des droits humains, ce que nous défendons, c'est l'oligarchie contre le peuple, et que on l'a entendu à plusieurs reprises, ceux qui se soulèvent aujourd'hui, finalement, eh bien, c'est parce qu'ils n'en ont pas assez, ils en veulent plus, et c'est le peuple qui paye. Donc être avec vous, c'est tout un symbole, et c'est beaucoup de force. Personnellement, moi j'étais, en fait jusqu'à il y a un an, j'étais présidente d'Amnesty International France, et j'étais au Venezuela en mai 2015, au moment de l'Assemblée Générale de notre section, parce que nous avons une section au Venezuela, et je dois vous dire que la situation pour eux est extrêmement difficile à l'heure actuelle, en termes d'organisation, mais aussi... c'était déjà difficile depuis de longues années, mais là, c'est devenu extrêmement difficile. Et à l'époque, effectivement, j'ai pu... Et je regrette de ne pas être arrivée à temps pour écouter le témoignage de Carlos Navarro. Je suis désolée, mais j'étais à mon travail. Oui, effectivement, j'ai pu constater à l'époque toute la difficulté de la situation humanitaire, parce que depuis 2014, on a pu voir à quel point il y a eu une aggravation. Il y a eu, déjà à l'époque, les manifestations importantes ont entraîné de très nombreuses arrestations. Moi, j'ai pu rencontrer des jeunes femmes, des paysannes, des ouvrières qui, elles, avaient été arrêtées, qui avaient été torturées, pour certaines, violées. Et quand je suis rentrée en France, j'ai été confrontée à l'idéologie dominante, c'est-à-dire on ne critique pas le Venezuela, on ne critique pas ce qui se passe dans ce pays, parce que critiquer Chavez ou Maduro, son héritier, finalement, c'est faire le jeu des États-Unis, c'est faire le jeu de l'OTAN, et ce sont des discours qu'on entend régulièrement. Sauf que, on le constate, ces personnes qui ont été arrêtées, elles ont pour beaucoup des interdictions de sortie. 2 ans après, 3 ans après, on voit que leur situation ne s'est pas améliorée. Et par contre, ceux qui ont commis des crimes absolument épouvantables, eux, n'ont pas été poursuivis. On a pu voir aussi depuis 2 ans comment les arrestations, les détentions, les agressions. Aujourd'hui, on parle du nombre de morts depuis le début des manifestations en avril. Mais ce que l'on oublie, c'est que depuis 2014, pratiquement, les manifestations n'ont pas cessé. C'était un mouvement permanent, et y compris les femmes. Moi, j'étais dans une ville comme à Valencia, par exemple, où c'était les femmes, les grands-mères, qui sortaient avec des casseroles parce qu'elles n'avaient pas d'eau, parce qu'elles n'avaient pas mangé, parce qu'il n'y avait pas de médicaments, etc. Donc, il y a un mouvement de contestation, je dirais, pratiquement permanent depuis plusieurs années maintenant. Le point sur lequel nous travaillons beaucoup aujourd'hui, c'est que finalement, le gouvernement, et c'est un des constats que nous avons été amenés à faire, est prêt à faire taire toute forme de dissidence et d'opposition, quels que soient les moyens utilisés. Et on le voit à travers les arrestations arbitraires, à travers les inculpations qui sont... posées, mais aussi dans tout le processus. C'est-à-dire que non seulement ce sont des arrestations qui sont fondées sur des preuves ou des accusations non fondées, je vais dire pour le coup. Souvent, on s'aperçoit que les personnes vont être détenues au secret, ce qui constitue au titre du droit international ce qu'on appelle des disparitions forcées. Ces périodes de disparition forcée, c'est-à-dire lorsqu'on ne sait pas où est la personne, lorsqu'elle a été arrêtée, sont extrêmement dangereuses, parce que c'est dans ces moments-là où la torture va se pratiquer, notamment avec l'objectif d'obtenir des aveux qui vont être utilisés derrière avec les procès. La famille n'a pas accès, les avocats n'ont pas accès aux personnes. Et derrière, ce que l'on constate, c'est au jour d'aujourd'hui, par exemple, il y a 250 personnes qui ont été en plus jugées devant des juridictions militaires, ce qui est totalement interdit lorsqu'il s'agit de civils, puisque les juridictions militaires, par essence, ne sont pas indépendantes. Elles sont là pour juger par rapport au règlement de l'armée, et pas du tout par rapport au droit commun qui s'applique à tous les manifestants ou les opposants. Et ce que l'on constate en plus, c'est que même quand il va y avoir des juridictions qui vont décider que les personnes doivent être libérées parce qu'il n'y a pas de preuves contre elles, elles restent en détention. Et on voit dans certains cas qu'y compris les tribunaux sont fermés, ce qui fait que les personnes sont en prison, en détention arbitraire, alors qu'elles devraient être libérées. Mais derrière, il n'y a personne pour les libérer, parce que les avocats ne peuvent pas aller devant les tribunaux. Je voudrais donner juste un cas avant de conclure, parce que je pense que ce cas est tout à fait emblématique. Et en plus... Yon Goikoetxea a été arrêté avant les événements d'avril. Et ce qui se passe depuis avril est une aggravation de tout cela. Mais il faut bien voir qu'il y a tout était déjà en place. Il a été donc arrêté le 29 août 2016 et à l'époque, on l'a accusé de transporter des explosifs pour faire un attentat lors d'une manifestation le 1er septembre 2016. Ça aussi, hein, les accusations de porter des explosifs, c'est un peu aussi ce qu'on a dit au sujet de parlementaires, d'hommes politiques d'opposition pour pouvoir les arrêter sans qu'il n'y ait aucune preuve en la matière. Donc, des explosifs. Pendant 13 heures, sa famille ne savait pas où il était. Finalement, on les a informés qu'il était au siège même de la SEBIN, donc le service de renseignement, hein, un peu quelque, je pourrais comparer un peu au renseignement généraux français, donc au niveau du service secret au siège à Caracas. Mais ce que l'on sait, c'est que finalement, il est resté détenu. Donc, pendant toute cette période, hein, pendant 3 jours, il était, lui, considéré disparu au sens du droit international. Et ensuite, il a été maintenu au secret jusqu'au mois d'octobre. Et là, au mois d'octobre, un juge a déclaré que finalement, il n'y avait pas d'éléments qui permettaient de le maintenir en détention provisoire. Sauf qu'il est toujours en détention parce que de toute façon, la SEBIN a décidé qu'elle ne le libérait pas et il n'y a personne aujourd'hui auprès de qui porter plainte parce que le tribunal où la famille et les avocats devraient se rendre eh bien, est fermé depuis décembre 2016. Et le cas de Yon Goicoechea, qui est en fait un leader étudiant qui appartient à Voluntad Popular, et le cas de dizaines de personnes aujourd'hui qui justement sont tous ces leaders syndicalistes, de mouvements d'étudiants, de la société civile, qui pour les faire taire, on va les mettre en détention ou on va les assigner à résidence, c'est-à-dire qu'on les empêche même de pouvoir exercer des droits fondamentaux comme ceux d'association, expression, manifester, etc. Et en plus, ils sont en détention. Amnesty a lancé de nombreuses actions urgentes. Nous sommes très actifs sur le Venezuela. Mais j'aimerais vous appeler, parce que c'est vrai que la situation est extrêmement difficile, surtout depuis que le Venezuela s'est retiré de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ce qui fait, je crois que c'était en 2013 ou en 2014, donc on ne peut plus porter les dossiers devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais donc c'est vrai qu'on manque de recours. Mais il est important pour nous justement de faire émerger la question du Venezuela, de faire savoir ce qui se passe dans ce pays, qu'ici en France et dans de nombreux pays, on arrête de penser que parce que c'est une société... Effectivement, ça peut paraître comme une situation qui est polarisée. Et excusez-moi. Mais ça ne doit pas empêcher de voir qu'il y a une crise humanitaire que le gouvernement refuse de voir. Il y a une crise des droits humains qui est extrêmement importante, qui a vraiment une nécessité aujourd'hui de se pencher sur ce pays. Et ce n'est pas pour des questions d'idéologie ou pas qu'il faut fermer les yeux, mais au contraire, il faut vraiment venir en soutien. Et donc, nous, notre pétition, la pétition que nous avons en ce moment en différentes langues sur notre site international, c'est justement pour demander la libération de tous les prisonniers d'opinion au Venezuela et de demander également que les personnes qui sont arrêtées le soient dans le respect du droit, y compris vénézuélien, parce que le droit est très... il est conforme justement aux normes internationales, mais aujourd'hui il n'est pas respecté, et qu'il n'y ait plus d'utilisation des cours militaires, des tribunaux militaires pour des civils. Donc voilà nous ce que nous faisons, et je pense que c'est vrai qu'il y a la mobilisation, signer, parler, mais il faut faire savoir ce qui se passe au Venezuela. Et là, nous organisons avec il y a une réalisatrice, c'est Margarita Cardenas qui va sortir un documentaire sur ces 6 femmes vénézuéliennes. À travers ces 6 femmes, on voit la situation aujourd'hui au Venezuela. Il y a la question de la santé avec une infirmière dans les hôpitaux. Il y a une jeune femme avec ses enfants sur tout ce qui est produit courant. Il y a la question de l'alimentation. Il y a la grand-mère de Rosmith qui était un parlementaire qui a été justement enlevé, arrêté, mais qui, et grâce à une mobilisation internationale, a pu être libéré. Il y a aussi il y a différentes familles et ceux qui sont intéressés, parce qu'on ne fait pas une projection publique puisque le film sort qu'en septembre de, l'année, de cette année, mais ceux qui sont intéressés, on organise une projection à l'Hôtel de Ville de Paris avec la maire de Paris, l'ambassadeur des droits de l'homme français, parce que c'est une belle opportunité aussi pour faire du plaidoyer. Et donc, c'est le 30 juin à 15, à 17h à l'Hôtel de Ville. Mais si vous êtes intéressé, vous, voilà, vous me contactez et je pourrai vous faire inviter et inscrire. Et encore, merci beaucoup. Parce que on a besoin de personnes engagées au Venezuela, de personnes qui n'ont pas peur. C'est très difficile aujourd'hui et merci à vous, merci à vous tous qui les soutenez. Merci beaucoup Geneviève et pour ce témoignage fort sur les nombreux droits de l'homme violés au Venezuela et d'avoir rappelé aussi la situation humanitaire catastrophique tant au niveau sanitaire avec des augmentations du nombre de morts par manque de médicaments, par manque d'antibiotiques, une mortalité infantile qui a progressé de 30%. Des femmes, la mortalité des femmes en couche a augmenté de 60% entre 2015 et 2016. Ce nombre de morts-là n'est pas comptabilisé, mais il y fait partie de la gravité. De la situation. Je vais beaucoup regretter de ne pas être à Paris le 30 juin. Je serai en déplacement, mais j'espère qu'il y aura quelqu'un de la CFDT qui va pouvoir y aller. Bien, Andreïna Mujica, merci beaucoup d'être venue. Vous êtes donc vénézuélienne installée en France, sœur de l'ambassadeur du Venezuela en France. Fille d'un grand militant politique vénézuélien très respecté dans son pays. Vous avez écrit cette lettre magnifique. C'est avec plaisir que nous vous accueillons dans les murs de la CFDT pour écouter votre témoignage sur ce que peuvent faire les Vénézuéliens hors du Venezuela, comment on peut travailler ensemble pour essayer de porter ces témoignages et de faire avancer la démocratie au Venezuela. Merci beaucoup, à vous de la parole. Bonjour à tous, merci à vous pour l'invitation. Mais voilà, je voudrais parler pas d'idéologie, pas de droite ou de gauche. On était dans une crise humanitaire doublement cruelle. C'est que c'est vivre dedans de mon pays, et plus le cynisme gouvernemental, international, que les maîtres noirs. Qui dit qu'il passe rien dedans. En fait, mon famille qui est restée là, mon grand-sœur, besoin de médicaments. Mon maître des photographies pour l'attention, pour des choses aussi, des médicaments. Il y a des amis avec des cancers, il n'y a pas de médicaments. Des enfants avec des épilepsies. Et c'est très cher, en fait, et c'est cher aussi à la France, il n'y a pas de médicaments. Chaque 2 mois, je cherche des médicaments pour les collègues, pour ma famille, pour les amis. C'est interdit pour les gouvernements de recevoir des paquets pour DHL, pour les courriers, la poste, pour ce comme ça, c'est interdit. En fait, et c'est double les forces des Vénézuéliens dans l'étranger. Pour chercher dans les réseaux sociaux quelqu'un qui peut arriver et qui peut amener les médicaments à la famille et les amis. Il y a 3 mois que nous, les Vénézuéliens qui habitent à l'étranger, vivent une certaine double vie. À partir des 22 heures de la France, les mobiles peuvent arriver les nouvelles de quelqu'un qui s'est fait prisonnier, blessé ou tué chaque jour pour manifester dans la rue. Jusqu'à 4 heures du matin de notre heure européen, on ne dort pas. Ce n'est pas possible qu'on va oublier les WhatsApp et les mobiles parce qu'on attend. On attend quelque chose chaque jour. Depuis les 90 jours de protestes. Il y a des organisations vénézuéliennes depuis de l'année 2012 à la France, qui s'appelle Dialogue avec, Dialogue con, qui travaille beaucoup. Mais c'est vrai qu'à la fin, nous sommes très seuls. Parce que l'engrais pétrolier pendant les dernières 17 années C'est incroyable à mon pays. C'est un pays vraiment riche. Et aujourd'hui, il y a plus sûr des gens qui mangent dans la poubelle, qui cherchent, qui se battent pour chercher quelque chose pour manger dans la poubelle. Ce que fait Chavez et tous les gouvernements, c'est de mettre l'argent dans la conscience de beaucoup de gouvernements de l'Amérique latine et aussi d'acheter tous les médias. C'est pour ça que les journalistes au Venezuela se jouent la vie chaque jour pour dire la vérité. Dans ces derniers mois, il y a plus de 300 attaques à la France, directement pour les miliciens bolivariens. Il y a plusieurs des vidéos, plusieurs des photographies qui disent la vérité. C'est pour ça que la milice bolivarienne vole tous les cellulaires directement. Elle arrive et vole les cellulaires, les caméras, les appareils à l'agent qui manifeste. Il y a des artistes, des journalistes, des professeurs de l'académie, des musiciens très jeunes qui font la même chose au Venezuela et hors de Venezuela, même à Paris. Des concerts pour tout Paris font des vidéos pour dire la vérité et pour supplier de l'ouverture du canal humanitaire. C'est les choses les plus dures, je pense, parce que c'est vrai que si on se demande, mais comment ça possible, après 3 mois, que la junte toujours, 1 million de personnes peuvent sortir dans la rue de tous les pays, des 20 petites villes du Venezuela, c'est pour que la junte meurt de faim, meurt, parce qu'il n'y a pas, manque tous les médicaments, même. Les gouvernements, je ne sais pas comment dire, la bombe lacrymogène, oui, dans les hôpitaux des enfants, il y a des enfants qui sont morts, asphyxiés absolument pour les bombes. Aussi, les personnes âgées, elles ne respectent pas personne. La dernière chose, que, c'est aussi des. C'est pour ça que ce n'est pas possible qu'on dort, là. C'est la dernière qu'injure le gouvernement à mettre un nouveau système d'attaque à l'agent. Ce n'est pas nécessaire que quelqu'un sorte pour dire « mais je voudrais des élections, je voudrais des médicaments, je voudrais de la dignité ». Vous pouvez rester à chez vous au Venezuela. Et c'est la police bolivarienne qui se met dans les bâtiments à détruire toutes les propriétés, les voitures, se mettre dans la maison de l'agent et peut tuer même un petit chien ou d'élever les jeunes qui sont dedans sans épreuve, sans possibilité de défense. C'est comme ça. C'est un matin. Avant de venir, c'est le matin au Venezuela, je te jure, j'habite un peu au Venezuela, un peu à la France, et j'écoute que vient d'arriver à des différents arrondissements pour mettre avant que l'agent sorte aujourd'hui pour faire la manif. On ne peut pas rester en silence. C'est pour ça que j'ai écrit la lettre à mon frère. C'est la chose la plus terrible que j'ai fait. C'est très douloureux. En fait, je sais que pour mon frère, c'est très douloureux. Mais ce n'est pas possible de rester en silence quand chaque jour, tu es à l'agent en mon pays qui sort simplement pour demander des droits de vivre. Je vais vous dire que je suis remerciement avec vous pour être là. Mais il faut s'engager parce que c'est vrai, nous sommes une seule humanité. Il faut faire quelque chose pour Venezuela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nandrina, de ce témoignage fort. On a fait le tour des différentes situations, des difficultés que traverse le Venezuela. On voit peu d'espoir aujourd'hui dans la situation actuelle. Il y a pourtant aujourd'hui une réunion à l'OEA, à l'Organisation des États américains, qui doit traiter du cas du Venezuela. Et donc la population vénézuélienne est appelée à se mobiliser en masse aujourd'hui, effectivement, pour que le gouvernement vénézuélien se décide à écouter enfin ce que au niveau international, la pression internationale pour faire bouger les choses. Il y a l'initiative dont a parlé Giuseppe, ceux des gouvernements italiens et espagnols. Voilà, ça, c'est tous les éléments qui sont sur la table aujourd'hui, mais vous avez sans doute des questions à poser, des précisions à demander, si vous pouvez prendre la parole. Merci. Una pregunta para entender mejor la situación en Venezuela, par Nagua, le monde. Para entender mejor la situación en Venezuela, quería saber cuál es la situación del sindicalismo en general, no solamente de la ASI. O sea, ¿qué pasa con el sindicalismo venezolano? ¿Usted puede decirnos, aunque sea una pequeña síntesis, cuál es la situación? Je voudrais que monsieur, pour qu'on puisse avoir un tableau de quelle est la situation au Venezuela, puisse nous dire, même si c'est une synthèse, quelle est la situation du sindicalisme au Venezuela, qui ne parle pas seulement de son organisation, mais quelle est la situation du sindicalisme au Venezuela. Merci. Pour aller dans le même sens que monsieur, je suis Nadine Ebsen, journaliste à France Culture. Monsieur Navarro, où en est le... Pouvez-nous décrire un peu le tissu social de Venezuela, voir sa décomposition? Est-ce que le pays, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Y a-t-il des grèves? Et Andreina, est-ce que votre frère a répondu à votre lettre ouverte? Et de façon globale, comment expliquez-vous cette augmentation des pénuries alimentaires et de santé? S'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, on va peut-être commencer à répondre à ces questions. C'est Carlos qui a été sollicité. Mais si d'autres personnes veulent ajouter des choses, il ne faut pas hésiter. En el caso del sindicalismo venezolano, hay una combinación de indicadores que no ayudan a su reformulación y crecimiento. Pour le cas du syndicalisme au Venezuela, il y a une combinaison d'indicateurs qui n'aide pas. Fundamentalmente con el sindicalismo tradicional. Et tout particulièrement pour ce qui concerne le syndicalisme traditionnel. Desde 1999, con el triunfo del presidente Chávez. Depuis 1989, avec le triomphe du président Chávez. Se decretó una especie de guerra contra el sindicalismo democrático. On a décrété une sorte de guerre contre le syndicalisme démocratique. Ya lo comentó muy bien Giuseppe con el referéndum del año 2000. Giuseppe a fait référence au référendum de l'an 2000. Ese referéndum prácticamente excluyó al movimiento sindical venezolano. Et ce référendum, on peut dire qu'il a pratiquement exclu le syndicalisme au Venezuela. De todo tipo de diálogo y de definición de políticas públicas en materia del trabajo. Donc du dialogue et de la concrétisation des politiques publiques en matière de travail. ¿Por qué? Porque con el referéndum se dejó sin legitimidad a las organizaciones sindicales de primero, segundo y tercer grado. Parce que avec le référendum, on ôtait toute légitimité aux syndicats de premier, deuxième et troisième rang. Se produjo un círculo vicioso. Et ça a fait un cercle vicieux. Con el referéndum te deslegitiman. Le référendum délégitime. El Estado te obliga a hacer elecciones. L'État oblige à organiser des élections. y luego el Estado no te legaliza tus elecciones. El Estado ne reconnaît pas les élections. A menos que sea subordinado al proyecto político. Sauf si on est subordonné au projet politique. Ahora en Venezuela hay una ley que el Estado es quien dirige el proceso electoral de los sindicatos. Maintenant, c'est la loi au Venezuela qui dirige le processus syndical au Venezuela. Legaliza la elección. C'est le gouvernement qui rend légal les élections. Y te da la representatividad. Et qui attribue la représentativité. Si no le da la gana, pues no te la da. Donc si le gouvernement n'est pas d'accord, il ne donne pas la, il ne reconnaît pas junto con esto surgen las siete leyes contra la actividad sindical. Après, je vous avais parlé des sept lois contre l'activité syndicale. Y se criminaliza la acción sindical. Donc c'est comme cela que l'on criminalise l'action syndicale. Muchos compañeros detenidos, muchos compañeros presos. Beaucoup de personnes despedidos, sont arrêtées, emprisonnées, sont licenciées. Y tercero, la economía nacional ha caído de manera brutal. Et l'économie nationale a vraiment chuté de façon brutale. Hay que saber que en el año 2013, en 2013 cayó 1%. On a eu une diminution du PIB de 1%. Non, pardon, une augmentation creció. 2013, 1% creció. En 2013, augmentation du PIB de 1%. 2014, cae 3%. En 2014, diminution du PIB 2015, de 3%. En 2015, de 4,5%. 2016, entre 8 et 10%. Et en 2016, cae. Le PIB a chuté entre 8 et 10%. Empresas quiebran. Des entreprises ont fait faillite. Y luego, último, hay que hacer dos lecturas. Et puis, il faut voir qu'il y a deux lectures qu'il faut réaliser. Abajo en la base, de, donde está el sindicato de base, là où se trouve le syndicat, la base, la pelea ha sido permanente y constante. La lutte a été constante et permanente. Entre el 2014 y el 2017, hubo más de 8,000 conflictos sindicales. Entre 2014 et 2017, il y a eu plus de 8000 conflits syndicaux. Pero sin la presencia de centrales sindicales, que son los organismos de tercer grado. Mais sin la presencia. Sin la presencia. Sans la présence des centrales syndicales de troisième degré. Ni de federaciones, que es la expresión de segundo grado. Et sans la présence des fédérations, qui est l'expression de second degré. Solo sindicatos. Il n'y avait que les syndicats de base. Y ahora se está recomponiendo el sindicalismo y ese es el trabajo de la central Así Venezuela. Et maintenant le syndicalisme est en voie de recomposition et ça fait justement partie des projets du travail de la centrale Así Venezuela. Y esperamos que el resto de las organizaciones se recuperen, por supuesto. Et nous espérons bien entendu que les autres organisations vont aussi pouvoir reprendre le dessus. Pero es bueno terminar con esta afirmación. Mais je voudrais terminer avec une affirmation. El gobierno no tiene políticas en materia de relaciones laborales. Le gouvernement n'a aucune politique en matière de droit du travail, de relations avec les travailleurs. Desquició las relaciones obrero-patronales. Il a complètement brisé les rapports entre les entrepreneurs et les employés. Desde hace 17 años no hay diálogo tripartito. Et depuis 17 ans, il n'y a pas de dialogue tripartite. Sobre el tejido social, brevemente. Et brièvement sur le tissu social. Este proceso que lleva ya casi 18 años. Il s'agit d'un processus qui a lieu maintenant depuis quasiment 18 ans. Ha tenido como consecuencia. Ce processus a eu une conséquence. En primer lugar, la desaparición de la clase media. La première conséquence est la disparition de la classe moyenne. El nacimiento de una clase política muy adinerada. La naissance d'une classe politique extrêmement fortunée. Hay dirigentes políticos del gobierno y militares. Il y a des dirigeants politiques du gouvernement ainsi que des militaires. Con cuentas bancarias por millones de dólares. Qui ont sur leur compte bancaire des millions de dollars. Y luego una clase baja que se ha ido deteriorando muchísimo más. Et une classe inférieure qui s'est beaucoup affaiblie. Se acerca mucho más a la situación de Centroamérica en los años 70 y 80. Donc la situation est proche de celle de l'Amérique centrale dans les années 70 et 80. Dos clases definidas. Ça fait deux classes. Una muy baja. Une extrêmement pauvre. Y una muy privilegiada. Et une très privilégiée. Pero ahora la privilegiada son los militares y los políticos del gobierno. Mais maintenant les privilégiés ce sont les militaires et les politiciens qui sont au gouvernement. Gracias. Merci. Et sur la question, c'est que mon frère a répondu. Et après un mois et demi, oui, lui a écrit un petit message. Je t'interdis de faire contact avec moi ou ma famille. C'est tout. C'est la réalité. Un petit témoignage de... Les relations sociales au Venezuela, comme on avait été en octobre, on avait visité avec Didier une section syndicale qui nous expliquait un petit peu comment elle fonctionnait. Elle avait mené une négociation, elle s'était entendue avec le directeur de l'usine sur le montant des augmentations salariales. Et à la fin de la négociation, le directeur de l'usine a dit « Bon, ben maintenant, il faut que je demande l'autorisation générale, puisque le général, c'est... L'usine est militarisée, c'est le général qui décide si, si ça marche. Allô, allô ? Non, ça marche plus. Bon. Et c'est le général qui décide si l'augmentation est autorisée ou pas. Mariano. Brevemente, para complementar lo que dijo Mariano. Rapidement, pour compléter ce que vient de dire Mariano. No está hablando de una empresa socialista. Nous ne parlons pas ici d'une entreprise socialiste. Es la Procter & Gamble. On parle de Procter & Gamble. Que tenía que pedirle permiso. Donc c'est Procter & Gamble qui devait demander cette autorisation aux militaires para discutir condiciones de trabajo con los trabajadores. De pouvoir négocier les conditions de travail avec les travailleurs. Eso tiene que quedar claro. Il faut que ce soit bien clair, on parle de Procter & Gamble. Ah, bonjour, Catherine Schlachter, je suis au service international et j'assiste en général à la conférence internationale du travail. Et le Venezuela, la République bolivarienne du Venezuela, est citée sur les cas KPI tous les ans. Ma question est la suivante. C'est souvent à l'initiative de la Fede Camaras que le pays est cité à comparaître devant l'Organisation internationale du travail. Et je voulais savoir quelle relation vous pourriez... Enfin, s'il est possible d'envisager une relation avec la Fede Camaras en tant qu'organisation syndicale indépendante, et quel est le rôle que joue la Fede Camaras par rapport au gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, puisqu'ils se plaignent des pratiques et du non-respect de la Convention 87 et 98. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'ils jouent un double jeu? Est-ce qu'ils pourraient être un soutien éventuellement à l'évolution de la démocratie syndicale au Venezuela? Merci. C'est une question extrêmement complexe. Debo tener mucho cuidado en la respuesta. Je dois faire très attention à ma réponse. Lo que puedo decir, y me disculpa que no sea muy explícito. Ce que je peux dire, et excusez-moi d'avance de ne pas être très explicite. Que Fede Camaras es una institución legítima. C'est que Fede Camaras est une institution légitime. Es la expresión del empresariado desde hace muchas décadas en nuestro país. C'est l'expression de las entreprises depuis plusieurs dizaines d'années dans notre pays. Y las denuncias que ha hecho ante la OIT. Et les plaintes qui ont été portées face à l'OIT tienen basamento en la realidad, son concretas y verdaderas. Sont fondées sur des réalités, elles ont une base concrète, véridique. Y desafortunadamente, al igual que nosotros, no ha sido convocada con objetividad por el gobierno para discutir los temas del trabajo. Malheureusement, tout comme pour nous, elle n'a pas été convoquée avec objectivité par le gouvernement pour pouvoir parler des conditions de travail dans notre pays. Entonces, dos comentarios sobre el diálogo. Donc, deux commentaires sur le dialogue. He tenido que participar en diálogos importantes. J'ai dû participer à des dialogues extrêmement importants. Estuve en la transición en el gobierno en Nicaragua cuando Somoza. J'ai vu la transition au Nicaragua à l'époque de Somoza. Estuve en la transición del Salvador cuando Adolfo Gutiérrez. J'étais aussi à la transition du Salvador à l'époque d'Adolfo Gutiérrez. Y yo soy docente. Je suis professeur universitario. Professeur universitaire. Y uno de mis temas es precisamente la negociación. Et l'un de mes sujets de travail est justement la négociation. En Venezuela no ha sido posible porque el gobierno quiere hablar sobre la base de desaparecer a la otra parte del país. Desaparecerla, eliminarla. Le problème, c'est que ce dialogue a été impossible au Venezuela parce que pour le gouvernement, le seul intérêt, c'est de faire disparaître la partie adverse. Quisiera que 8 ou 9 ou 10 millions de Venezolanos no existieran. Il voudrait simplement que 8, 9, 10 millions de Vénézuéliens cessent d'exister. Así no se puede negociar. On ne peut pas négocier sur cette base-là. Luego, tampoco se sienta a negociar para llegar a un acuerdo. Il ne s'assied pas non plus à la table des négociations pour arriver à un accord. No quiere acuerdos. Ils ne veulent pas d'accord. Quiere que el otro desaparezca. Ils veulent faire disparaître la partie adverse. Y en ese camino, quisiera que Fedecámaras desapareciera y el sindicalismo democrático también. Il voudrait, dans cette idée-là, que Fedecámaras disparaisse et puis que le syndicalisme indépendant disparaisse lui aussi. Entonces, si un diálogo no es inclusivo. Donc si un dialogue n'est pas inclusif, responsable et efficace, ni efficace, no hay diálogo. Il ne peut pas y avoir de dialogue. Por eso yo veo el 30 de julio, el día de la constituyente de Maduro. C'est pourquoi le 30 juillet, le jour de la constituante de Maduro, como una fecha déterminante para la vida del país. Sera selon moi une date déterminante pour la vie du pays. País de la vida del país política democrática. Du point de vue politique et démocratique. Si ese referéndum se realiza, si ce référendum est bien organisé, hay que estar pendiente porque en Venezuela viene un tiempo masivo de violencia y muerte. Il va falloir être attentif parce qu'il y aura derrière cela au Venezuela une vague massive de violence et de mort. D'autres questions ? Bonjour, je suis Catherine Navbekti, secrétaire générale de la fédération SGEN CFDT, qui syndique les personnels de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et aussi de la jeunesse et des sports. Notre fédération est en train de travailler avec des militants, notamment qui sont en Rhône-Alpes, parce que l'URI Rhône-Alpes a initié des choses pour porter et soutenir des revendications qui sont les vôtres, me semble-t-il, sur l'éducation et le droit à l'éducation au Venezuela, le financement d'une éducation publique à destination de l'ensemble de la population et très certainement de parrainage d'établissements ou de professionnels de l'éducation et de la recherche, avec comme projet pour nous d'intervenir auprès de la commission de l'Organisation des Nations Unies, auprès de la chaire des droits de l'homme, aussi vite que possible. Et donc le travail est engagé avec des militants à nous, notamment de Rhône-Alpes, mais aussi de la région de Marseille. Et donc voilà, si vous pouvez aussi présenter un petit peu la situation du monde éducatif, puisque les informations dont on dispose, c'est que les salaires ne sont versés que quand la rente pétrolière le permet, et qu'il y a une mise en danger aussi du financement même d'un système d'éducation publique et un risque à la clé de marchandisation du système éducatif au Venezuela. Voy a responderte y seguramente te vas a impresionar. Je vais te répondre et je crois que cela va t'impressionner. Yo soy profesor con posgrado. Donc je suis professeur. Con magíster en España. Magister en Espagne. Y doy 15 horas semanales de clase en una universidad. Et je donne 15 heures de cours par semaine dans une université. Privada. Privé. Y gano 6 euros mensuales. Et je gagne 6 euros par mois. La situación de la educación en Venezuela ha sido uno de los grandes errores y fracasos del gobierno. La situation de l'éducation au Venezuela a été l'une des plus grandes erreurs et des plus grands échecs du gouvernement. Frente a la cuarta revolución industrial, face à la quatrième révolution industrielle, d'intelligence artificielle, d'intelligence artificielle, dont le conocimiento hoy es una una herramienta imprescindible. Aujourd'hui, la connaissance est un outil para el desarrollo de los países, au développement des pays. Nosotros en Venezuela vamos de regreso, vamos hacia atrás. Au Venezuela, nous allons de rebours. Los gobiernos socialistas en el mundo han preferido el crecimiento cuantitativo al crecimiento cualitativo. Les gouvernements socialistes de par le monde ont toujours préféré le développement quantitatif par rapport au développement qualitatif. Entonces, el gran desafío es tener más gente estudiando. Donc l'idée c'est d'avoir plus de personnes qui étudient. No importa que la calidad se pierda. Peu importe qu'il y ait une perte du point de vue de la qualité. Y comenzamos a formar gente para algo que no existe. Et donc nous avons formé, on y formait des gens pour quelque chose qui n'existait pas. Hoy en Venezuela creen que la ideologización política es el camino. Aujourd'hui au Venezuela on pense que l'idéologisation politique est le chemin à suivre. No la herramienta cognitiva. Mais pas l'outil cognitif. Por ejemplo, termino. Un exemple pour conclure. En todos los países, los organismos de formación profesional público son determinantes. Dans tous les pays du monde, les organismes professionnels de l'éducation sont des acteurs déterminants. Hay que construir la mano de obra que va a atender el futuro. Il faut créer cette main d'œuvre qui pourra travailler demain, qui construira notre avenir. Con habilidad, talento físico e intelectual. Avec l'habileté, le talent physique et intellectuel. Ahí está la posibilidad de crecer hacia el desarrollo inclusivo y sostenible. C'est là que nous aurons la possibilité de croître vers un développement qui soit soutenable, qui soit durable, pardon, et inclusif. En Venezuela eso se llama INSES. Au Venezuela, on appelle ça l'INSES, cet organisme. Hace 15 años no forma profesionales. Cela fait 15 ans qu'il ne forme plus de professionnels. Se dedica a enseñar ideología del socialismo del siglo XXI. Il enseigne simplement l'idéologie du socialisme du 21e siècle. Estamos en una fractura en Venezuela desde el punto de vista educativo. Donc nous sommes ici face à une fracture au Venezuela du point de vue éducatif. D'autres questions? ¿Por qué la constituyente va a traer más violencia que la que existe ahora? Pourquoi l'Assemblée constituante va-t-elle amener davantage de violence que par rapport à ce qu'on est en train de voir maintenant? Peut-être le Giuseppe, non, c'est après. La respuesta es sencilla y compleja. La réponse est à la fois simple et compliquée. Si el proceso convocado por Maduro se da como es, como está planteado por él. Si le processus qui a été mené, qui a été lancé par Maduro se déroule réellement tel quel lui l'a imaginé, esa asamblea constituyente, cette assemblée constituante, sera elegida, sera choisie, por el 17% del universo electoral, par 17% de l'électorat, militante y activista del partido oficial, donc des militants, des activistes du parti officiel, y se encargarán de inhabilitar y destruir al poder legislativo, a la Asamblea Nacional. Ils feront tout leur possible à partir de là pour détruire l'Assemblée nationale. Que fue elegida democráticamente por el voto universal. Assemblée nationale qui elle a été élue selon le vote universel de manière démocratique. Esa Asamblea Nacional está apoyada por más de 10 millones de venezolanos. Une Assemblée nationale qui est soutenue par plus de 10 millions de Vénézuéliens. Y esos millones de venezolanos van a estar en la calle defendiendo su derecho a la libertad. Et ces 10 millions de Vénézuéliens vont descendre dans la rue pour défendre leur droit à la liberté. Y el presidente Maduro estará con sus fuerzas armadas disparando a la gente en la calle. Et vous aurez donc le président Maduro qui sera avec ses forces armées en train de tirer sur la foule. Y el pueblo como siempre seguirá poniendo los muertos. Et ce sera le parmi les peuples que l'on comptera les morts. Alors non, je profite parce que j'ai ouvert un peu les communiqués du président du Conseil des ministres d'Italie et du président du gouvernement espagnol, Rajoy, qui, bien entendu, on demande qu'il ne soit pas convoqué l'Assemblée constituante. Et on dit, pour justifier ça, que la Constitution de 1999 et qui doit être respectée, prévoit déjà tous les mécanismes utiles pour individuer une solution politique qui puisse recomposer tous les différents intérêts dans le respect des institutions, des lois, de la souveraineté populaire. Et après, on met les conditions, et là je voulais les communiquer parce qu'avant j'ai simplement parlé de l'initiative de l'Italie et de l'Espagne, mais à côté de ça, on demande de ne pas convoquer donc l'Assemblée constitutionnelle et on demande les quatre conditions, attendez, qui doivent être dans la négociation, maintenant, dans la plateforme de négociation. La première, respect de l'état de droit, respect de l'autonomie du Parlement. Ça, c'est le point. Il faut donner la liberté aux prisonniers politiques. Il faut ouvrir un canal humanitaire en faveur de la population vénézuélienne. Et finalement, il faut adopter un calendrier électoral clair et condivisé pour que le peuple vénézuélien puisse s'exprimer, exprimer la propre volonté à travers un vote libre, direct et universel. Ce sont les conditions que plus ou moins c'est un peu la communauté internationale déjà en train de poser. Cette fois, on prend la responsabilité autant que des chefs de gouvernement et d'État. Et on accepte la critique qui puisse arriver de Venezuela de dire on fait une intervention dans les affaires internes d'un pays. Mais on a pris cette... Et donc c'est pour ça que je salue l'initiative. Et je crois que c'est très important. On espère, on va voir quel sera l'effet de ce type de provocation. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions ultra-urgentes, on va peut-être voir s'il y a des personnes parmi la table ronde qui souhaitent encore rajouter un petit mot. Sinon, on va laisser Yvan conclure cette table ronde. Yvan, c'est à toi. Oui, très rapidement, c'est... Dans des situations de crise, c'est très compliqué de conclure avec des perspectives d'avenir. C'est d'autant plus compliqué de le faire au vu de ce qu'on a évoqué cet après-midi. Je voulais tout d'abord vous remercier toutes et tous pour votre présence à cette table ronde. Merci aussi aux différents invités pour les apports et les échanges que cela produit. Puis je pense que un des enjeux, on l'a bien vu au vu de la complexité de la situation du Venezuela aujourd'hui, c'est de renforcer, en tant qu'organisation syndicale, notre priorité, c'est d'aider à renforcer l'Asie Venezuela pour renforcer la démocratie sociale au Venezuela, pour au mieux assurer les questions de transition qui se poseront, on espère, le plus rapidement possible dans ce pays pour sortir des situations catastrophiques humanitaires, sociales, de sécurité qu'on a évoquées. Et donc, pour conclure, j'ai plutôt envie de m'adresser à Carlos Navarro. Quand on reçoit un ami, on a envie, au moment de conclure la réunion, de tracer des perspectives avec lui. Je pense que quand on s'était rencontré il y a quelques mois au Venezuela, on s'était donné quelques engagements. Je pense qu'ils sont d'autant plus d'actualité aujourd'hui au vu de nos échanges. Le premier, c'était de faire en sorte que la CFDT, avec d'autres, aide à la reconnaissance de l'Asie Venezuela partout dans le monde pour que justement ça renforce la légitimité à agir dans ton pays. Là, au mois de juin 2017, je pense qu'on a clairement marqué des points sur cette façon sur cet engagement à travers la présence à la Conférence internationale du travail, avec la table ronde d'aujourd'hui, avec ce type d'initiative. Donc l'élément qu'on a à faire, c'est de continuer dans cette voie-là, je pense, pour donner encore plus de voix, pour vous aider. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'on continue à... Je rejoins un peu ce qui a été dit par l'intervenant d'Amnesty sur il faut qu'on fasse parler de la vraie situation du Venezuela. Ça, c'est important qu'on le fasse en France, qu'on le fasse en Italie, qu'on le fasse en Europe, qu'on le fasse en direction de différents interlocuteurs et qu'on le fasse dans l'opinion publique pour justement expliquer ce qui se passe et ce qu'on dira dans nos pays, ce qu'on dira en France. Je pense que ça vous aidera aussi au Venezuela. Et puis le dernier élément qui est un des engagements habituels de la CFDT dans ce genre de situation, c'est que on discute régulièrement d'aides concrètes à vous apporter pour renforcer votre action. On a été marqué avec Mariano la première fois où on a été vous rencontrer. Tu as dit qu'il y avait 400 000 membres à l'Asie Venezuela. Très concrètement, le siège de l'organisation au niveau national, il tient largement dans cette pièce-là. Pour organiser la vie concrète syndicale dans tout un pays. Et donc du coup, quand on a ce type de discussion, ce type de réalité, on voit combien l'aide concrète d'autres organisations syndicales peut contribuer à vous renforcer. On a des discussions et on ira au bout de cela. Et puis, ce que je peux proposer, c'est que Laurent Berger a dû nous quitter un peu rapidement au début de la table ronde à cause de notre agenda social actuellement. Mais ce qui serait bien, c'est que on arrive dans pas trop longtemps à organiser une nouvelle mission syndicale de la CFDT au Venezuela avec Laurent Berger. Ce qui voudrait dire que notre coopération entre nos organisations est encore plus forte. Mais ça voudrait surtout dire que votre situation à vous est un peu moins difficile. Et je pense que c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et on a vu les défis, la difficulté de la tâche. Mais on essaiera de vous accompagner au mieux dans cette direction. En tout cas, bon courage à toi et à toute l'équipe d'Asie Venezuela. Et merci beaucoup aux interprètes d'avoir aidé à cette compréhension. Merci beaucoup à tous. Merci et à bientôt.